Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous apporte la grâce, la paix et la bénédiction de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette série de messages sur la bénédiction qui est le message d'ouverture de ce site que nous avons là aujourd'hui, la BEAH, la bénédiction en action en Haïti. La bénédiction en action en Haïti, la BEAH, est le résultat de la méditation de plusieurs textes de la Bible, principalement Proverbes chapitre 11, verset 11 et Galates chapitre 5, verset 1. Proverbes chapitre 11 et le verset 11, je le lis, « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais par la bouche des méchants, elle est renversée. » C'est un texte qui est important pour nous. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Dans la version courante, c'est dit par la bénédiction des justes, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Nous allons commencer cette étude qui va être pour nous une étude assez enrichissante, assez puissante, et nous allons considérer chaque mot clé de ce verset. Je vous demande déjà de souligner ce texte dans votre Bible. La ville s'élève par la bénédiction des justes, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Je dis que nous allons étudier ce texte. Nous allons méditer ce texte. Vous savez que la méditation est cette méthode d'étude de la Bible qui permet de voir en dessous du texte, de voir la révélation de Dieu, c'est-à-dire le message qui est caché dans ce texte. Chaque mot qu'on va utiliser, nous allons peser les mots, nous n'utiliserons pas les mots à la légère. Chaque mot que nous utilisons a un sens tout à fait précis. Il faut arriver à un certain temps que les mots que nous utiliserons, même dans nos conversations courantes, nous puissions les peser pour savoir que chaque mot est un contenant. Le mot contient un message. Donc, quand nous prononçons un mot, il y a quelque chose de puissant qui est conservé, que ce mot contient, le contenant, il y a quelque chose à puiser là-dedans. Chaque mot qui est dans ce verset, par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Notre étude va être autour de ce texte de Proverbes 11, verset 11. Je vous invite déjà à mettre vos cahiers de notes à côté de vous. Je vous invite à chercher vos crayons, vos surligneurs, à avoir votre Bible ouverte sur la table avec vous autour des membres de votre famille. Vous allez inviter aussi des amis à aller sur ce site, la beah.org, pour étudier avec vous parce que il y a des choses que vous devez connaître et découvrir. Je vous dis, toutes les choses qui sont dans la Bible sont écrites pour nous, pour vous et moi. Une fois que cette chose est dans la Bible, elle nous appartient. Parce que la Bible est le livre du testament que Dieu a envoyé pour nous, parce que nous sommes en alliance avec lui. Si la chose ne nous appartenait pas, elle ne serait pas écrite dans la Bible. Une fois que c'est dans la Bible, c'est à moi, c'est à vous. Donc, Gardez cela déjà en tête. L'étude que nous allons faire, c'est pour nous permettre de trouver le message qui est caché dans ce manuel, dans ce livre d'engagement, ce livre de droit que nous l'appelons, donc un testament qui est déjà adressé à nous et qui est pour nous. Nous allons utiliser une méthode d'étude, c'est ce que nous appelons la méditation. Quand je fais des petites recherches sur le mot « méditer », le mot « méditer » signifie déjà faire des recherches, faire une enquête et demander, se renseigner et poser des questions. Vous voyez, donc je fais une enquête sur le mot « méditer » et ce mot nous permet de comprendre l'importance d'avoir nos pensées constamment sur Dieu, d'avoir nos yeux constamment sur le Seigneur. Et à partir de ce moment, la méditation va nous permettre, je vous donne une définition ici, nous permettre d'avoir un changement permanent dans notre façon de penser. Voilà la définition. La méditation est un processus donné par Dieu qui permet une expérience spirituelle qui provoque un changement permanent dans votre façon de penser. Donc, méditer, c'est penser à, considérer, réfléchir, c'est ruminer, c'est concevoir quelque chose. C'est vous méditer sur la parole et quelque chose doit être conçu dans votre pensée. Vous devez sortir avec un plan, avec une découverte. Vous avez fabriqué quelque chose. Il y a tout ça dans le mot méditer. Et méditer, vous allez voir ensuite, ça veut dire prononcer, proférer, pousser et mettre en circulation, publier. Et ça va nous dire, quand nous méditons, nous prenons le message qui est à l'intérieur, alors quelque chose va être conçu, comme je l'ai dit tantôt. Il y a un plan qui est bien établi. Alors, encore la méditation va répondre à une autre loi qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, on va mettre la chose en circulation. Donc, ce qu'on médite, c'est pourquoi le texte dit méditer jour et nuit, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditer et mettre la parole en circulation, publier la parole, prononcer la parole et réfléchir, ruminer, tout ça va nous permettre d'aboutir à ce que nous appelons la révélation. La révélation, c'est le véhicule qui transporte le message caché de Dieu. Voilà, j'emploie le mot caché ici, que je vous dise rapidement que le mot caché ne signifie pas quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. Rassurez-vous, la parole de Dieu est cachée pour nous, pas contre nous. C'est caché pour notre profit, à notre profit, pour notre avantage. Caché pour que nous puissions la trouver. Parce qu'il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc la parole est là pour nous, mais elle est cachée pour qu'on puisse la protéger pour nous. C'est pourquoi Dieu l'a cachée. Dieu l'a cachée pour garder cette parole pour nous. Et quand nous nous mettons à sa recherche, quand nous méditons cette parole, nous recherchons, nous faisons de cette parole le sujet de notre méditation, c'est-à-dire nous sommes constamment sur cette parole, constamment dans cette parole, la promesse est faite, Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La méditation est un processus donné par Dieu qui produit une expérience spirituelle qui provoque un changement permanent dans votre façon de penser. En méditant le texte, littéralement en le ruminant, on s'arrête sur chaque mot, sur chaque concept, on découvre le message qui est contenu dans ce mot. N'oubliez pas, chaque mot est chargé de nombreux petits bouts de messages et nous allons les combiner ensemble pour trouver la circulation du message, ce qui importe pour notre bonheur spirituel. Nous reprenons notre texte. La ville s'élève par la bénédiction des justes. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu sur le mot bénédiction, ce premier concept. Vous savez, le problème, c'est que quand nous communiquons, nous donnons des concepts, nous émettons des concepts, mais la communication va permettre à ce que la personne qui entend comprend le même concept. En un mot, le récepteur doit être identique à l'émetteur. Sinon, le message n'est pas passé. Il n'y a pas communication. Quand un mot est employé, il faut arriver à comprendre le même concept. Qu'est-ce que le concept veut dire? Regardez le site sur lequel vous êtes là maintenant. La bénédiction en action en Haïti. Voilà un mot courant, un mot que tout le monde connaît, la bénédiction. Mais on va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, la bénédiction en action en Haïti? Comme j'ai dit, le mot qu'on utilise a un sens précis. Donc c'est pourquoi nous commençons notre étude par définir la bénédiction de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? C'est un concept important pour nous. Il faut que vous qui m'écoutez maintenant, vous arriviez à comprendre aussi c'est quoi la bénédiction. L'objectif de l'ennemi, c'est de prendre un mot de la parole, de tordre ce mot pour enlever toute la puissance qu'il y a dans ce mot. Ainsi, quand on va utiliser ce mot, puisqu'on a enlevé ce qui est à l'intérieur, on a enlevé le germe, on a enlevé la puissance, alors tout le monde pourra utiliser ce mot sans effet. Donc c'est pourquoi nous allons prendre notre temps pour méditer, c'est-à-dire pour nous renseigner, pour chercher, faire de ça notre préoccupation pour que quand nous émettons quelque chose, quand nous disons quelque chose, quand nous prononçons quelque chose, vous-même, là où vous êtes, vous arrivez à comprendre le message. Quand nous partons du grec, le mot « eulogeo » du grec signifie « dire du bien », « faire l'éloge », « parler à propos du bon », « parler à propos de ce qui est bien ». Quand on dit « bénir », on parle ici de dire du bien, dire ce qui est bon. On va dans l'hébreu. Dans l'hébreu, on va prendre le mot beraka, que nous traduisons par bénédiction. Ce mot inclut ce qui est beau, le meilleur, la générosité, la joie, la paix, la prospérité. Tout ce qui est joyeux, tout ce qui est plaisant, tout ce qui est doux, tout ce qui est bien. La bénédiction est purement positive. Il n'y a aucune trace de négatif dans la bénédiction. La bénédiction renferme tout ce qui est bon. Cela veut dire déjà que l'idée qu'une maladie peut être pour vous une bénédiction n'est pas dans le mot beraka. L'idée que la pauvreté peut être une bénédiction n'est pas dans le mot qui veut dire à l'original bénédiction. Donc la bénédiction est tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est positif, c'est ce qui entre dans l'idée de la bénédiction. La bénédiction est la solution à toute situation chaotique du monde entier. C'est la puissance de Dieu qui, une fois prononcée sur l'homme, l'habilite à dominer et à soumettre la terre. Vous savez que Dieu a donné à l'homme l'autorisation de dominer, d'assujettir la terre, de la soumettre, de la remplir. Comme j'avais dit au début de notre étude, chaque mot prononcé par Dieu contient un message tout à fait particulier. Au cours de cette étude, nous allons aboutir à définir chaque mot séparément. Mais en attendant, nous voyons d'emblée que la bénédiction est la solution à toute situation chaotique du monde entier. Quel que soit l'endroit du monde où il y a les problèmes, la solution est la bénédiction de l'Éternel. Nous pouvons prendre l'endroit le plus mauvais, la ville la plus corrompue, le mariage le plus dévasté, la condition la plus terrible, la vie la plus dégradante qui soit. Prenez le pire de n'importe quoi et commencez par parler la bénédiction sur cette chose. Et il n'y a rien qui soit plus puissant que la bénédiction de l'Éternel. Rien qui soit en mesure de se tenir debout devant la parole prononcée avec la foi, la parole de la bénédiction. Quelle que soit la montagne, quelle que soit l'immensité, quelle que soit et le fossé qui existe entre vous et votre situation, la bénédiction de l'Éternel est la solution à ce problème. Dans Genèse chapitre 9, verset 1er, la Bible amplifiée dit: Dieu prononça une bénédiction sur Noé. Il dit: soyez fécond, multipliez, remplissez la terre. Prononcer, c'est parler, c'est ordonner clairement, c'est dire. Une autre définition, c'est marquer sans faute. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de voir la connexion ici? La bénédiction est activée par la parole. Chaque fois que la bénédiction est mentionnée, la parole est présente. Genèse 1er, verset 28. Genèse 1er, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remarquez, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dans Nombre chapitre 6, versets 23 à 27, je vous demande de regarder ce verset rapidement. Nombre, chapitre 6, versets 23 à 27. Vous devez avoir ça en tête. Dans la Bible, il y a des lois, il y a des principes, il y a des clés. Tout ce que la Bible nous dit de faire, nous devons le faire. C'est ça la clé. La Bible est un livre qui nous donne des principes, qui nous dit: faites ceci et vous aurez tel résultat. Il nous faut faire ce qu'elle nous dit de faire. Regardez ce texte. Le texte dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Je vais vous faire remarquer. Il dit: c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites. Comment? Par la parole. vous les bénirez ainsi, vous leur direz, et il donne la parole à prononcer. Le sage fait ce que Dieu lui dit de faire. Ésaïe 65, verset 16, j'utilise encore ici la Bible amplifiée parce que c'est un outil qui nous donne des petits détails assez importants. Ésaïe 65, verset 16, il dit, « Celui qui invoque une bénédiction sur lui-même dans le pays doit le faire en disant que le Dieu de fidélité et de vérité l'amène, me bénisse, et celui qui fait un vœu dans le pays fera le serment par le Dieu de vérité. » Regardez, « Celui qui invoque une bénédiction sur lui-même dans le pays doit le faire en disant. » La bénédiction est activée par la bouche, par la parole. Ça me permet d'aller dans Ézéchiel 36, verset 35, un autre texte important encore pour la BEAH. Et l'on dira, et c'est ce texte qu'on va dire sur Haïti, qu'on va dire sur notre ville, ce qu'on dit sur notre mariage, qu'on dit sur notre situation chaotique, Ézéchiel 36, 35, et l'on dira, ce pays qui était désolé est devenu comme un jardin d'Éden. On dira, ce pays qui était désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Le prophète Ésaïe prophétisait sur l'Église. L'Église, c'est Sion. Et il dit, « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. » Nous sommes dans Ésaïe chapitre 51. « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. » Je fais la connexion aujourd'hui entre la bénédiction et la parole. La bénédiction est activée par la parole. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19 est un texte assez important aussi pour nous. Deutéronome chapitre 10, chapitre 30, verset 19. Il est dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. » Et il dit, choisis la vie. Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction. Et il nous dit, choisis la vie. Le choix nous appartient. C'est à nous de choisir. Il nous donne, il nous lance une invitation et il dit, choisis la vie. Il nous montre ce qui est bon déjà. Il nous dit, voilà ce que je veux. Choisis la vie. Mais il ne fait pas le choix pour nous. La mort et la vie sont... Alors, et ça me permet d'aller dans ce verset avec vous qui vient directement dans ma bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Il est dit, voilà comment on choisit. Voilà comment on choisit. Le texte de Deutéronome nous dit que la vie et la mort sont devant nous, mais Proverbe chapitre 18, 21 dit, et je lis, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » Je reprends ce verset. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » J'ai fait ma petite recherche sur ce verset aussi. Et j'ai trouvé que le mot pouvoir dans ce verset, c'est le mot hébreu yad, qui veut dire main. Autorité, contrôle, influence, direction, domination. Alors, je vais relire ce verset. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont dans la main de votre langue. Oh! La mort et la vie sont sous l'autorité de votre langue. La mort et la vie sont sous le contrôle de votre langue, sous la direction de votre langue, la domination de votre langue. Votre vie est dans la main de votre langue. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et on peut commencer par voir de loin arriver la langue ici. La ville s'élève par la langue des hommes droits, par la langue des justes. La puissance relâchée par la bouche des justes, c'est la bénédiction. Mais la bouche des méchants va donner naturellement la malédiction. C'est pourquoi, regardez, si vous regardez bien le texte, vous allez voir, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Parce que naturellement, qu'est-ce qui sort dans la bouche d'un juste? C'est la bénédiction. Qu'est-ce qui sort naturellement dans la bouche d'un méchant? C'est la malédiction. C'est pour cette raison, la Bible va nous dire, je suis encore avec vous dans Proverbes chapitre 12, regardez, Proverbes chapitre 12, Proverbes chapitre 12, le verset 5, me donne une clé ici. Proverbes chapitre 12, verset 5, dit « Les pensées des justes ne sont que droiture. La conduite des méchants n'est que fraude. » Regardez, la Bible n'a pas de demi-mesure. Vous savez, des fois, nous prenons Dieu comme si Dieu est un Dieu qui a deux poids, deux mesures. Pourtant, Dieu est clair. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, la pensée du juste n'est que droiture, mais la conduite des méchants n'est que fraude. Le méchant, tout ce qu'il fait, quelle que soit la couleur, quel que soit le bon côté que vous pouvez voir dans la chose, à la racine, la Bible dit, c'est une fraude. Mais les pensées des justes ne sont qu'équité, ne sont que droiture. C'est pourquoi, encore, la parole va nous dire, je lis Philippiens chapitre 4, verset 8, avec vous ici, et vous devez comprendre automatiquement la connexion qui est faite ici entre la bouche et la bénédiction. C'est pourquoi il faut veiller. Le texte dit, verset 8, je lis, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » La parole du juste n'est que droiture. La pensée du juste n'est que droiture. Tout ce qu'un juste pense n'est que droiture. C'est pourquoi le texte dit clairement, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Parce que, je lis Proverbe chapitre 11, le verset 23, Proverbe 11, verset 23, qui dit, c'est un texte qui va vous renverser aussi, Proverbe chapitre 11, verset 23, il est dit, le désir des justes, c'est seulement le bien. La bénédiction est toujours le bien. La bénédiction est toujours ce qui est beau. La bénédiction est toujours ce qui est droit. La bénédiction est toujours ce qui mérite la louange. La bénédiction est toujours ce qui mérite l'approbation. Le désir des justes n'est que le bien. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Vous n'allez pas avoir de problème avec David quand il dit, et dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il n'y a aucun problème parce que, Proverbe 11, verset 23, nous révèle, « Le désir des justes, c'est toujours et seulement le bien. » Le monde essaie de résoudre les problèmes sans la bénédiction. Cela est impossible. La bénédiction est la chose la plus puissante qui a existé sur la terre. Et elle est destinée à changer les endroits les plus obscurs de la terre. Nous allons voir la prochaine fois, nous allons rentrer la prochaine fois beaucoup plus loin dans la bénédiction. Et nous allons comprendre que la bénédiction, c'est la clé pour dominer la terre. La bénédiction, c'est l'onction par laquelle les faveurs de Dieu vont couler. La bénédiction, c'est l'alliance que Dieu a établie avec nous. Et c'est cette alliance qui va renverser tout ce que le méchant a fait. Tout ce que le diable fait, c'est par la bénédiction de l'Éternel que cela va être réparé. Nous avons vu aujourd'hui que la bénédiction de l'Éternel est ce que l'Éternel nous donne comme la solution à tous les problèmes qui existent dans ce monde. Et nous avons aussi étudié que la bénédiction est activée par la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si ce n'est pas la vie, alors c'est la mort. Le diable est intéressé à nos paroles. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne peut pas avoir nos mots, c'est fini pour lui. Tout le pouvoir que le diable possède dépend de ce que nous croyons. Si nous croyons ses mensonges, alors nous lui donnons la puissance d'agir. Il attend notre parole parce que la puissance, remarquez, je dis des choses, je vous ai déjà dit qu'on va avoir des choses qui vont vous choquer extrêmement, mais remarquez, le texte dit « La vie et la mort dépendent ou sont au pouvoir de votre langue, pas de la langue du diable, pas de la main du diable, pas du pouvoir du diable. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable veut faire, il attend votre adhésion, il attend votre bouche pour le faire. Si vous êtes intelligent, vous commencez par veiller votre langue, veiller à ce qui sort de votre bouche. Si ce n'est pas la vie, alors c'est la mort. Ce que vous allez dire sur votre famille à partir d'aujourd'hui, c'est soit la vie, soit la mort. C'est à vous le choix. Ce que vous dites sur vos enfants, c'est soit la vie, soit la mort. Sur votre santé, soit la vie, soit la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Que le Seigneur soit avec vous tous et que chaque jour vous puissiez méditer sur cette parole. Méditer sur la parole du Seigneur. Le psaume 49, verset 3, laissez-moi laisser ce verset à votre méditation. Maintenant qu'on connaît le mot, alors on va pouvoir le dire et le faire bien. Le psaume 49, verset 3, je le lis. « Ma bouche va prononcer des paroles sages et mon cœur médite des pensées intelligentes. » Ma bouche va prononcer des paroles sages et mon cœur médite des pensées intelligentes.